Chapitre 4. Dès que Zina fut partie, Ethan prit à la patère son chapeau et son manteau. Mathilde avait la vaisselle, tout en fredonnant un air de danse de la nuit précédente. « Au revoir, Mathilde, » dit-il. Gaiement, elle répliqua. « Au revoir, Ethan. » Un bon soleil chaud éclairait la cuisine. La lumière tombait de biais sur les mouvements de la jeune fille, sur le chat qui sommeillait près du poêle, et sur les géraniums en pot qu'Ethan avait plantés l'été précédent pour faire un jardin à Mathy et qu'on avait rentré l'hiver. Ethan aurait voulu rester là, à regarder Mathy, tandis qu'elle terminait ses rangements et qu'elle s'installait à coudre auprès du feu. Mais il tenait davantage encore à charrier le bois afin de pouvoir rentrer à la ferme avant la nuit. Jusqu'au village, il continua de penser au retour. La cuisine n'était pas bien belle. Elle était plus pimpante, mieux tenue sans doute au jour de son enfance, quand sa mère s'en occupait. Mais lui-même s'étonnait de l'air confortable que l'absence de Zina lui avait donné. Il se représentait l'aspect de la pièce ce soir, lorsque Mathilde et lui s'y trouveraient réunis après le souper. Pour la première fois, seul et toute porte close, il s'installerait de chaque côté du poêle comme un vieux ménage. Ethan aurait la pipe à la bouche, les pieds en chaussettes tournés vers le feu, et Mathilde rirait, bavarderait de ce babil si doux aux oreilles du jeune homme qu'il croyait toujours l'entendre pour la première fois. Le charme qu'il éprouvait à évoquer ce tableau et le soulagement de n'avoir plus à redouter une histoire avec Zina l'emplirent d'une gaieté débordante. Lui, si taciturne de nature, il se mit à siffler et à chanter à haute voix. Il sifflait et chantait à voix haute en conduisant son attelage à travers champs. Malgré les âpres hivers de Starkfield, un instinct de sociabilité sommeillait encore en lui. Grave et renfermé par tempérament, il admirait la témérité et la faconde chez les autres et se sentait réchauffé jusqu'au moelle lorsqu'il rencontrait de la sympathie. À Worcester, bien qu'il eût la réputation d'être peu expansif et de manquer d'entrain, il éprouvait toujours un plaisir secret lorsque quelques copains lui donnaient une bourrade en l'appelant « mon vieux » ou « vieil été noir ». Et de retour à Starkfield, l'absence de ses familiarités n'avait pas été sans accroître son isolement. D'année en année, le silence s'était fait plus profond autour de lui. Demeuré seul, après l'accident de son père, pour porter le double fardeau de la ferme et de la scierie, il n'avait pas eu le loisir de partager les flâneries, coupées d'aréobards des jeunes gens du village. Et quand sa mère tomba malade à son tour, la maison devint plus solitaire que les champs mêmes qui l'environnaient. La vieille Mrs. Frome avait été assez bavarde dans sa jeunesse, mais après son attaque, bien qu'elle n'eût pas perdu l'usage de la parole, elle ne parla presque plus. Quelquefois, durant les interminables soirées d'hiver, si son fils, énervé par le silence, lui demandait pourquoi elle ne disait pas quelque chose, elle levait un doigt et répondait « Parce que j'écoute. » Et certaines nuits d'ouragan, lorsque le vent hurlait autour de la maison, elle se plaignait de ne pouvoir entendre ce qu'Ethan lui disait, parce qu'il faisait tant de bruit au dehors. Ce fut seulement à l'époque de la dernière maladie de Mrs. Frome, quand Zenobia Pierce vint de la vallée voisine pour aider son cousin à soigner la vieille femme, que l'on entendit résonner une voix humaine dans la maison. Après tant d'années de silence, la volubilité de la jeune fille fit à Ethan l'effet d'une musique. Il comprit alors qu'il aurait pu devenir comme sa mère, si l'accent d'une parole sensée ne fût pas venu leur mettre d'aplomb. Sa cousine parut comprendre son cas du premier coup. Elle s'étonnait, en riant, qu'il n'eût aucune notion des soins à donner à une malade. Elle lui ordonna de vaquer à ses affaires en le priant de se décharger sur elle du reste. Le seul fait de lui obéir, de reprendre le travail et de retrouver des gens à qui parler, avait suffi pour l'équilibre d'Ethan. Et il avait aussitôt voué une reconnaissance sans borne à sa cousine. Les capacités de Zina l'émerveillaient et l'humiliaient à la fois. Elle semblait posséder d'instinct des vertus ménagères que lui-même n'avait pu acquérir malgré un long apprentissage. Lorsque Mrs. Frome mourut, ce fut Zina qui fut obligée d'envoyer Tan chez l'entrepreneur des pompes funèbres. Ce fut elle aussi qui trouva bizarre qu'il n'eût pas décidé par avance à qui il donnerait la garde-robe et la machine à coudre de sa mère. Après l'enterrement, quand Ethan avait vu sa cousine sur le point de repartir, une crainte irraisonnée de rester seule à la ferme l'avait saisi, et avant même d'avoir pu se rendre compte de ce qu'il faisait, il avait offert à Zina de l'épouser. Depuis, il s'était souvent dit que la chose ne serait pas arrivée si la mort de sa mère était survenue au printemps au lieu de l'hiver. En se mariant, ils étaient convenus qu'aussitôt après la liquidation des dettes causées par la longue maladie de Mrs. Frome, Ethan vendrait la ferme et la scierie pour tenter fortune dans une ville industrielle. Son amour de la nature n'impliquait pas en effet le goût de cultiver les champs. Il avait toujours rêvé d'être ingénieur et de vivre dans une ville où il y aurait des cours, des bibliothèques et des gens qui font des choses. Un modeste travail de mécanicien, qu'on l'avait envoyé exécuter en Floride du temps de ses études à Worcester, l'avait convaincu de sa propre habileté et avait en même temps accru son désir ardent de voyager. De plus, il se figurait qu'avec une femme sachant se débrouiller comme la sienne, il ne tarderait pas à se créer une situation. Le village natal de Zina était légèrement plus important et plus rapproché du chemin de fer que Starkfield. Aussi n'avait-elle pas caché à son mari, dès le début de leur mariage, que la vie dans une ferme isolée ne réalisait guère le rêve qu'elle avait fait en l'épousant. Mais les acquéreurs furent lents à se présenter, et dans l'intervalle, Ethan put se rendre compte de l'impossibilité de transplanter sa compagne. Zina méprisait Starkfield, mais elle était incapable de vivre dans un endroit qui lui méprisait, elle. Même à Bettsbridge ou à Chatsfall, elle n'eût pas pu jouer un rôle suffisamment important. Et dans les villes qui attiraient Ethan, elle eut encouru une perte totale de sa personnalité. D'ailleurs, moins d'un an après leur mariage, s'était développée la nature maladive qui lui avait donné depuis une certaine célébrité, même dans un pays où les cas pathologiques formaient un des principaux sujets de conversation. Quand elle était venue soigner la vieille Mrs. Frome, Ethan avait été séduit par l'air florissant de sa cousine, mais il ne tarda pas à comprendre que son énergie comme garde-malade avait pour cause l'étendue constante de son propre état. Puis, peu à peu, elle aussi était devenue silencieuse. Peut-être était-ce l'inévitable résultat de la vie à la ferme, ou encore, comme elle disait quelquefois, parce que son mari n'écoutait jamais. Ce reproche n'était pas tout à fait immérité. Quand Zina parlait, ce n'était guère que pour se plaindre de choses auxquelles il ne pouvait remédier. Et pour vaincre une tendance naturelle à la riposte, il avait d'abord pris l'habitude de ne pas répondre, puis, finalement, de penser à autre chose durant ses discours. Cependant, depuis qu'il avait eu des raisons pour l'observer de plus près, le silence de Zina avait commencé à l'inquiéter. Il s'était rappelé la taciturnité croissante de sa mère et il s'était demandé si sa femme n'allait pas devenir bizarre à son tour. Zina, qui possédait sur le bout des doigts la carte pathologique de toute la région, avait souvent fait allusion, pendant qu'elle soignait Mrs. Frome, à d'autres cas similaires. Ethan, d'ailleurs, n'ignorait pas que dans plus d'une ferme isolée du voisinage, on cachait de pauvres êtres qui dépérissaient de la même façon, et que dans d'autres, la présence de ces malheureux avait amené de lamentables tragédies. Parfois, lorsqu'il regardait le visage morne de sa femme, il frissonnait, craignant pareil malheur. Parfois, sa taciturnité lui semblait plutôt une attitude volontaire, dissimulant des intentions sournoises, de mystérieux desseins issus de soupçons et de rancunes impénétrables. Cette dernière supposition était la plus troublante. C'était aussi celle qui s'était présentée à son esprit la nuit précédente, lorsqu'il avait vu Zina debout sur le seuil de la cuisine. Néanmoins, le départ pour Bettsbridge l'avait une fois de plus rassuré, et toutes ses pensées se concentraient sur la soirée qu'il allait passer avec Mattie. Une seule chose le préoccupait encore. Il avait dit à Zina que son chargement de bois devait lui être payé, et il prévoyait si nettement les conséquences de ce mensonge qu'il se décida, non sans répugnance, à prier Andrew Hale de lui avancer quelque argent sur la livraison. À son entrée dans la cour de l'entrepreneur, il trouva celui-ci qui descendait de traîneau. « Bonjour, Ethan, » lui dit Hale. « Vous arrivez bien. » Le visage rubicond d'Andrew Hale était barré d'une forte moustache grise. Aucun col ne gênait son double menton mal rasé, mais sa chemise, d'une blancheur sans tache, était toujours fermée par un petit bouton de diamant. Signe d'opulence du reste trompeur, car bien qu'il fît d'assez belles affaires, on savait que ses goûts dispendieux et les exigences de sa nombreuse famille lui créaient souvent de l'arriéré. Hale était un vieil ami de la famille Frome. Sa maison était l'une des rares que Zina honorait quelquefois d'une visite, car la femme d'Enru avait été dans sa jeunesse la malade la plus importante du village et ce passé lui valait d'être considéré comme une autorité en matière de diagnostic et de remède. Et il s'avança vers les chevaux et caressa leurs flancs en sueur. « Bigre, mon vieux, vous soignez ces deux-là comme s'ils étaient vos propres enfants. » Eton déchargea le bois. Sa besogne finie, il poussa la porte vitrée du hangar que l'entrepreneur avait transformé en bureau. Et il était assis, les pieds sur le poêle, le dos appuyé contre un pupitre usé couvert de papier. La pièce ressemblait à son propriétaire. Tout y était accueillant mais désordonné. « Mettez-vous là et chauffez-vous, » dit-il à Eton avec bonhomie. Eton ne savait trop comment présenter sa requête. Après avoir vainement cherché une entrée en matière, il finit par demander à brûle-pourpoint une avance de $50. Devant le geste de surprise de Hale, un flot de sang monta au visage du jeune homme. C'était l'habitude de l'entrepreneur de payer tous les 3 mois, et il n'y avait pas de précédent entre d'un règlement au comptant. Eton sentit que s'il avait targué d'un besoin urgent, il eût peut-être trouvé moyen de le contenter. L'amour-propre et une instinctive prudence l'empêchaient d'avoir recours à cet argument. À la mort de son père, il avait mis un certain temps à se tirer d'affaire, mais il avait eu la satisfaction de ne recourir ni à Andrew Hale ni à personne d'autre. À plus forte raison, ne voulait-il pas aujourd'hui laisser supposer que sa situation était devenue moins bonne? Et puis il détestait le mensonge. S'il lui fallait de l'argent, il le lui fallait, et il n'avait pas d'explication à donner. C'est pourquoi il avait formulé sa demande avec la maladresse d'un homme orgueilleux qui ne veut pas s'avouer qu'il s'abaisse. Le refus de Hale ne le surprit donc pas autrement. L'entrepreneur se déroba avec sa rondeur habituelle. Il parla de l'affaire sur un ton de plaisanterie, demanda à Fromm s'il avait l'intention d'acheter un piano à queue ou bien d'acheter une couple à sa maison. « Dans ce cas, lui dit-il en riant, pour vous, je travaillerai gratis. » Eton fut vite à bout d'expédients, et après un instant de silence embarrassé, il se leva pour prendre congé. Comme il ouvrait la porte du bureau, Hale le rappela brusquement. « Dites-moi, vous n'êtes pas sérieusement gêné, j'espère. » Mais non, pas du tout. L'orgueil de Fromm avait dicté sa réponse avant même que sa raison eût le temps d'intervenir. Dans ce cas, tout est pour le mieux, car moi-même je le suis un peu, et je voulais précisément vous demander un sursis pour le paiement. Les affaires ne marchent pas très fort, et puis je suis en train d'arranger une petite maison pour Ned et Ruth quand ils seront mariés. Je le fais avec plaisir, mais dame, ça coûte. Les jeunes gens aiment à être bien logés. « Vous savez ça par vous-même. Il n'y a pas si longtemps que vous et Zina vous êtes installés. » Fromm remisa ses chevaux dans l'écurie d'Andrew Hale et alla au village pour une autre affaire. La dernière phrase de l'entrepreneur résonnait toujours à ses oreilles, et il songeait avec amertume que les 7 années de son union avec Zina paraissaient sans doute plus courtes au genre de Starkfield qu'à lui-même. L'après-midi touchait à sa fin. Déjà, quelques vitres pailletaient de lueur jaune le crépuscule glacial, et semblait rendre la neige plus blanche encore. La température rigoureuse avait ramené chacun chez soi. Eton cheminait seul à travers la longue rue. Tout à coup, il entendit un léger tintement de clochette, et un cutter passa vivement près de lui. Il reconnut le poulain rouan de Michel Heidi, que conduisait son fils, coiffé d'une nouvelle casquette de fourrure. Le jeune homme le salua d'un « Bonjour, Eton !» et le dépassa au trot rapide de son cheval. Le cutter allait dans la direction de la ferme des Fromm, et le cœur d'Eton se contracta en écoutant le son des grelots qui s'éloignaient. Il était très vraisemblable que Dennis Eady, ayant appris le départ de Zina pour Bettsbridge, profitait de l'occasion pour aller passer une heure auprès de Matty. Eton était honteux de la jalousie qui grondait dans son cœur. Il lui semblait offensant pour la jeune fille qu'il éprouva à son égard des sentiments aussi violents. Il continua son chemin jusqu'à l'église et entra dans l'ombre que projetaient les sapins des Barnum. C'était l'endroit même où il avait rejoint Matty la nuit précédente. À quelques pas devant lui, il aperçut dans la pénombre la vague silhouette d'un couple enlacé. Il crut entendre un baiser, puis un « oh » mi-rieur, mi-confus, lui apprit qu'on l'avait vu. Le couple se sépara brusquement et l'une des 2 personnes se glissa par la grille du jardin des Barnum, tandis que l'autre continuait rapidement son chemin. Eton sourit en pensant au trouble que son approche avait causé aux amoureux. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire à Ned Hale et à Ruth Barnum qu'on les vit s'embrassant? Tout le monde savait leurs fiançailles. Il lui plut de les avoir surpris ainsi à l'endroit même où, la veille, Mathilde et lui avaient senti leur cœur si proche l'un de l'autre. Puis il songea avec un retour de tristesse que Ned et Ruff n'avaient pas besoin, eux, de cacher leur bonheur. Il sortit ses chevaux de l'écurie de Hale et reprit le chemin de la ferme. Le froid était moins âpre que pendant le jour. De gros nuages moutonneux annonçaient une nouvelle tombée de neige pour le lendemain. De ci, de là, une étoile perçait la nuit et creusait alentour une profondeur bleuissante. Dans une heure ou deux, la lune se lèverait au-dessus de la montagne derrière la ferme. Elle s'ouvrirait un chemin doré à travers les nuages, puis serait de nouveau voilée par eux. Une paix mélancolique s'étendait sur les champs. On eût dit que la diminution du froid leur causait un soulagement et qu'ils s'assoupissaient plus mollement de leur long sommeil d'hiver. L'oreille d'Ethan guettait le tintement des clochers de Hilly, mais aucun bruit ne troublait le silence de la route déserte. En s'approchant de la ferme, il aperçut, à travers le léger rideau de mélèze, une lumière qui tremblotait au loin à une des fenêtres. « Elle est là-haut, » pensa-t-il, « elle se prépare pour le souper. » Puis il se rappela le coup d'œil railleur que Zina avait eu lorsque, le soir de son arrivée, Mathis s'était mis à table, les cheveux lissés, un ruban autour du cou. Il passa près du petit monticule enclos et jeta un regard sur une des plus vieilles pierres tombales. Dans son enfance, il la regardait souvent parce qu'elle portait son nom. Sigise, Ethan Frome et sa femme Endurance, qui vécurent ensemble en paix pendant 50 ans. Souvent, depuis lors, il s'était dit que 50 ans c'était un bien long temps pour vivre côte à côte. Mais aujourd'hui il comprenait que ce temps pouvait s'écouler avec la rapidité de l'éclair. Puis, dans un soudain accès d'ironie, il songea que par inscription serait peut-être placé quelques jours sur leur tombeau à Zina et à lui. Il ouvrit la porte de l'écurie et avança la tête dans l'obscurité. Il éprouvait la vague appréhension de trouver là le poulain de Dennis Eady installé à côté de son cheval. Mais le vieil alezan était seul, mâchonnant son râtelier d'une bouchée dentée. La joie de Frome fut si grande qu'en préparant la litière de ses bêtes, il se mit à siffler et qu'il versa dans les mangeoires une ration supplémentaire. Sa voix n'était pas particulièrement harmonieuse, mais de rudes mélodies s'échappèrent de son gosier tandis qu'il fermait l'écurie et montait la pente vers la maison. Il atteignit la porte de la cuisine et tenta en vain de l'ouvrir. Étonné, il secoua vivement le loquet, puis il réfléchit. Mathilde est seule. Il est naturel qu'elle se soit enfermée à la nuit. Il écoutait dans l'obscurité, guettant le son d'un pas. Après avoir de nouveau tendu l'oreille, il cria d'une voix joyeuse « Hola, Mathilde !» Il n'y eut aucune réponse, mais un instant après, il entendit un léger bruit dans l'escalier et vit sous la porte un rayon lumineux. La fidélité avec laquelle les incidents de la veille se répétaient le frappait à ce point qu'il s'imagina presque, lorsque la clé tourna, que sa femme allait surgir devant lui, enveloppée dans son couvre-lit de calicot. La porte s'ouvrit, et ce fut Mathilde qui parut. Elle se tenait exactement comme Zina, dans le cadre sombre de la cuisine. La lampe, maintenue à la même hauteur, éclairait avec la même netteté la gorge ronde de la jeune fille et son poignet ambré, menu comme celui d'un enfant. Puis elle éleva la lampe et la lumière aviva l'éclat de ses lèvres, mit autour de ses yeux une ombre veloutée, éclaira la blancheur laiteuse de son front au-dessus des longs sourcils noirs. Mathilde était habillée de sa robe habituelle de drap sombre. Elle ne portait pas de nœud au cou, mais dans sa chevelure, elle avait disposé une torsade de ruban rouge. Cette marque de coquetterie charma Ethan comme un hommage rendu à ce que la situation avait d'exceptionnel. La jeune fille lui parut plus grande, plus svelte, plus complètement femme par l'allure et le geste. Elle l'accueillit avec un sourire silencieux, puis elle s'éloigna d'un pas souple et posa la lampe sur la table. Ethan vit alors que le couvert avait été soigneusement dressé pour le repas du soir. Il remarqua un plat de donuts, une compote de blueberries et, sur un beau plat de verre rouge, ses pickles préférés. Le chat, allongé devant le feu clair qui flambait dans le poêle, surveillait la scène du coin de son œil à demi-clos. Une sensation de bien-être envahit brusquement Ethan. Il gagna l'entrée pour accrocher sa pelisse et retirer ses chaussures mouillées. Lorsqu'il revint, Mathilde avait placé la théière sur la table et le chat se frottait familièrement contre sa jupe. « Prends garde, pouce, tu vas me faire tomber !» s'écria-t-elle, les yeux brillants. Une fois encore, Frome se sentit mordu par une jalousie soudaine. Était-ce bien son retour qui donnait à la jeune fille ce visage radieux ?« Personne n'est venu, Mathilde, » dit-il en se baissant comme pour surveiller le fonctionnement du poêle. Elle fit un signe de tête rieur. « Si, une personne. » Le front d'Ethan se rembrunit. « À qui donc ? » demanda-t-il, se relevant vivement et la regardant à la dérobée. Les yeux de Mattie pétillaient de malice. « Eh mon Dieu, Jotham Powell ! Il est entré en revenant de la gare et m'a demandé une tasse de café avant de retourner chez lui. » L'inquiétude de Frome se dissipa. Une chaleur subite inonda son cœur. « C'est tout ? J'espère bien que vous la lui avez donnée. » Puis il sentit qu'il était convenable d'ajouter. « Il est arrivé à l'heure pour le train de Zina ?»« Oh oui, largement. » Le nom de Zina mit une gêne momentanée entre eux. Ils gardèrent le silence. Puis Mattie reprit avec un air timide. « Je pense qu'il est temps de se mettre à table. » Ils s'assirent et le chat, se faufilant entre eux, sauta sur la chaise de Zina. « Oh, pousse, quelle idée !» s'écria Mattie, et tous deux se mirent à rire de nouveau. Un moment auparavant, Ethan s'était senti en benne d'éloquence, mais l'évocation de Zina l'avait glacé. La jeune fille, à son tour, semblait gagnée par le même embarras. Elle s'assit, les yeux baissés, buvant son thé à petites gorgées, tandis que Frome simula un appétit vorace pour les donuts et les pickles au sucre. Enfin, après avoir longtemps cherché une entrée en matière, il avala une lampe de thé et dit « On croirait qu'il va encore neiger. » Elle feignit de s'intéresser vivement à cette nouvelle. « Vraiment ? Pensez-vous que cela puisse empêcher Zina de rentrer ?» Elle rougit comme si la question lui avait échappé malgré elle et posa brusquement sa tasse. Ethan, pour se donner une contenance, étendit sa main vers les pickles. « À cette époque de l'année, on ne sait jamais, » dit-il. « Les tourbillons de neige chassent dru du côté des flats. » Encore une fois, le nom de Zina l'avait paralysé. Il lui semblait que sa femme se trouvait dans la pièce, entre deux. Brusquement, Mattie poussa un cri. « Oh, pousse, tu es trop gourmand !» Profitant de leur moment de gêne, le chat avait sauté de la chaise de Zina sur la table. Sournoisement, il allongea son long corps souple vers le pot de lait placé entre Ethan et Mattie. Tous deux se penchaient en avant et leurs mains se rencontrèrent sur l'anse de la cruche. Celle de la jeune fille se trouvait en dessous, et Ethan y appuya la sienne un peu plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Le chat profita de ce manège pour essayer une prudente retraite, mais en reculant, il mit la patte dans le beau plat en verre rouge qui contenait les pickles. Le plat tomba sur le plancher avec fracas. D'un bond, Mattie avait quitté sa chaise et s'était agenouillée à côté des débris. « Oh, Ethan, Ethan, le beau plat de Zina est en morceaux, que dira-t-elle » Cet incident rendit à Frome tout son sang-froid. « Il faudra qu'elle s'en prenne au chat, voilà tout » répliqua-t-il en riant. Il s'agenouilla à son tour auprès de Mattie et commença à ramasser les pickles épars, mais elle tournait vers lui des yeux désolés. « Vous savez bien qu'elle ne voulait jamais que l'on se servît de ce plat, même quand il y avait du monde, il était sur la plus haute planche de l'armoire. Elle voudra savoir pourquoi j'ai été l'y dénicher. Pour l'atteindre, il m'a fallu monter sur l'escabeau. » En présence d'un tel désastre, Ethan fit appel à toute son énergie. « Elle ne saura rien si vous vous tenez tranquille. J'irai demain acheter un plat semblable. D'où vient-il ? Au besoin, je pousserai jusqu'à Chatsford. Même à Chatsford, vous n'en trouverez jamais. C'était un cadeau de noces, vous ne vous souvenez pas ? Il a été envoyé de Philadelphie par la tante de Zina qui a épousé le pasteur. C'est pourquoi elle ne voulait jamais s'en servir. Oh, Ethan, Ethan, que faire ? » Elle se mit à pleurer. Et à chacune de ses larmes, il croyait sentir tomber sur lui une goutte de plomb fondu. « Je vous en prie, Mattie, je vous en prie, ne pleurez pas ainsi. » Elle se releva. Frome la suivit, désespérée, pendant qu'elle étalait sur le buffet les morceaux de verre. Il lui sembla que ces débris étaient comme le symbole de leur soirée manquée. « Allons, donnez-les-moi, » dit-il tout à coup. Elle s'écarta, obéissant instinctivement au son autoritaire de sa voix. « Oh, Ethan, qu'allez-vous en faire ?» Sans répondre, il rassembla les fragments dans sa large main et s'enfuit vers l'antichambre. Il alluma un bout de chandelle, ouvrit l'armoire, et tendant son bras jusqu'à la dernière planche, y plaça les morceaux, en ayant soin de les disposer de telle façon qu'il fût impossible de voir d'en bas que le plat était brisé. S'il recollait les débris dès le lendemain matin, des mois pourraient s'écouler avant que sa femme s'aperçût de l'accident, et d'ici là, du reste, il trouverait peut-être à remplacer le plat. Convaincu que tout danger prochain était écarté, il rentra dans la cuisine d'un pas plus léger. Mattie, inconsolable, recueillait les restes des pickles. « Allons, m'a dit, finissons de souper, tout est arrangé, » dit-il. Rassurée, elle lui jeta un regard souriant à travers ses longs cils encore humides. Le cœur de Fromm battait d'orgueil à la voir si soumise à sa parole. Elle ne lui demandait même pas ce qu'il avait fait. Jamais, sauf lorsqu'il dirigeait la descente d'un grand tronc d'arbre du haut de la montagne, il n'avait éprouvé aussi pleinement la sensation d'être le maître.